caribou, caribou d'Espagne, tu sais que je te vois venir, on sait tous que tu viens d'Allemagne, et ça, bien malgré ton sourire. Tous les gens de mon quartier, tous les gens savent qui tu es. Caribou, caribou d'Espagne, je sais ce que tu vas devenir, un marchand vendeur de cravates, un fou savant qui va dormir. Tous les gens de mon quartier, tous les gens savent ce qu'il en est. Caribou, caribou d'Espagne, tu sais qu'il te faut réagir, ta situation délicate devrait te faire rougir. Tous les gens de mon quartier, tous les gens en ont assez. Caribou, caribou d'Espagne, un jour on te fera partir, aller simple pour l'Allemagne et défense de revenir. Tous les gens de mon quartier, tous les gens vont t'oublier. Et tu sais que tous les gens de mon quartier, tous les gens vont t'oublier.